ondes libres. RQC 95 FM, le seul compromis, la bonne musique. Fais pas ci, fais pas ça, regarde ceci et pas cela. Voili voilou, c'est touche à tout. Eh bien, salut à tous, c'est le Slasher, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission de Touche à tout. Et donc on va tout de suite commencer, vous avez Scream à la technique et le Slasher à la voix. Et donc là, on va s'écouter un petit Adele avec Skyfall. Together. c'était Tanel avec Skyfall, le BO du film James Bond, Skyfall. Et donc là, je tenais à dire bonne fête à tous les musiciens, car aujourd'hui, ce mercredi 22, nous sommes à la Sainte Cécile. Donc là, on va tout de suite passer à la chronique des livres Nathan. Donc là, je vais vous parler de deux Kididoc, et après on va faire une petite pause. Donc là, c'est le Kididoc de la mythologie. Alors là, la mythologie, en plus, c'est un truc qu'on aime bien, tout ce qui est mythologie grecque, etc. Vraiment très très très beau, donc le synopsis, curieux, petit curieux pour la vie. Le livre animé qui répond à toutes les questions sur les dieux de la mythologie grecque. Donc notamment dans la collection, il y a le Kididoc des pourquoi, le Kididoc des comment, le Kididoc des combien, le Kididoc des qui. Pour moi, c'est celui que je préfère, des qui, qui a des petites questions-réponses très très bien. Donc c'est un excellent livre pour apprendre tout ce qui est la mythologie grecque à vos enfants, même vous-même. Apprendre, car c'est un livre avec diverses animations, telles de petits trous, des volets, aussi des pop-up. Donc c'est un très très très beau livre de chez Nathan. Et celui-ci est tout simplement à un prix très bas, très très bas. Ensuite, nous allons voir tout simplement le grand livre du jeu pour sauver la planète. Un excellent livre aussi. Donc c'est tout ce qui est pop-up, etc. La même chose. Donc des petites fenêtres, des belles animations, de super belles illustrations, le sais-tu, le saviez-vous, des jeux pour apprendre à bien trier les déchets, etc. Donc pour celui-ci, vous avez 4 pions pour jouer au grand jeu des animaux, 5 vignettes pour adopter les bons gestes écolos dans ta maison et 9 grands jeux pour devenir un parfait écolo. Donc dedans, vous pourrez retrouver les albums Kididoc, les livres jeux Kididoc et les Kididoc des pourquoi. Vous pouvez tout retrouver sur le site de www.kididoc.fr ou sur le site de Nathan. Donc là, on va se faire une petite pause, tout simplement avec Cypress Hill, Insane the Brain. Are you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco? Loco. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Donc c'est tout simplement Cypress Hill avec Insane the Brain. Une personne qu'on a eu l'occasion de rencontrer au Hellfest 2017, deux grands noms du rap. C'est un groupe de métal, mais bon, qui est avec des chanteurs de rap. Donc il y a notamment Monsieur Chuck D de Public Enemy, une personne très très gentille. Beaucoup de gens disent « Ouais, tous ceux qui sont rappeurs, ils sont méchants, ils fument et tout. » Bah non, pas du tout, c'est une personne super sympa qui nous a invité à prendre une photo avec, comme ça, très très gentil. Et aussi le chanteur de Cypress Hill, des personnes très très gentilles. Et donc là, je vais un peu revenir sur le livre, le Kiddy Dog, le livre pour sauver la planète. Je vous le conseille vraiment, car ça peut faire prendre conscience de protéger la planète. Car là, il y a de plus en plus de glaciers qui sont en train de s'effondrer, qui s'effondrent tout simplement au-dessus du Arctique, Canada, tout ça. C'est en train de s'effondrer et il faut vraiment prendre conscience que pour les futures générations, ça peut être très néfaste et ça va causer beaucoup de disparitions d'animaux, etc. Donc c'est un livre au prix de 16,95€. Encore merci à Nathan. Et donc là, on va tout de suite continuer avec les livres de Nathan. Là, on a cette fois-ci des livres un peu plus pour se détendre. Lulu Grenadine, ah bah tiens, ça me donne soif ça. Veux un chat de Lorraine Guillot et Lucie Dirno. Donc c'est un excellent livre, le synopsis. Chez Lou, il y a des chatons tout mignons. Lulu Grenadine en voudrait un. Mais sa maman hésite. Un chat, c'est aussi beaucoup de travail. Lulu Grenadine va tout faire pour la convaincre. Un livre assez marrant, touchant, d'une mère, d'une fille qui dit à sa mère « Maman, maman, est-ce que je peux avoir un chat ?»« Non, tu n'auras pas de chat. » Et donc bah là, elle va essayer tout simplement de dissuader sa mère de prendre un chat. Et ça, c'est de super belles illustrations, une très belle histoire. Facile à lire pour les enfants, au prix de 5,95€. Dans la même collection, vous avez Lulu Grenadine fait du vélo, dit des gros mots. Pourquoi pas? Lulu Grenadine fait du poney et dort chez une amie. Et là, ensuite, nous avons un livre un peu plus gros. C'est vrai, quand je l'ai reçu, j'ai quand même eu assez peur. C'est le guide d'activité Montessori de 0 à 6 ans pour accompagner l'esprit absorbant de l'enfant de Marie-Hélène Place. Donc, vous avez des jeux, etc. Donc, je pourrais le qualifier comme un gros dico. Sérieusement, un gros dico, mais pour apprendre. C'est bien pour apprendre à vos enfants, sérieusement. Un très très bon livre. Il y a pas beaucoup d'illustrations, plus des photos que des dessins, mais ça peut vraiment apprendre tout ce que vous avez pour vos enfants. Au-delà de l'école, Maria Montessori propose une éducation globale de l'enfant à vivre à la maison pour l'aider de développer son potentiel avec un respect et de bienveillance. Donc pour savoir éduquer votre enfant, ça peut être bien pour ceux qui ont un petit peu du mal. Faut pas se cacher, parfois il y a des gens qui ont du mal et ça peut leur aider. Donc un livre au prix de 22,95€. Encore merci à Nathan pour ceci, donc c'est le guide Montessori. Donc là on va se faire une petite pause avec Daft Punk avec One More Time. One more time, I'm gonna celebrate. feeling. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. One more time. One more time. A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need. Yeah. Come on. Alright, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time, this cabin feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this cabin feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this cabin feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this cabin feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this cabin feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this cabin feeling so free. We're gonna celebrate. One more time, this cabin feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this cabin feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this cabin feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this cabin feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. Donc c'était Daft Punk avec One More Time. Donc je vais un petit peu revenir sur ce livre, le guide d'activité Montessori de 0 à 6 ans. Vous avez plein d'options pour votre enfant ou même votre nouveau-né, enfin pas quand même nouveau-né, mais qu'il ait quand même quelques mois. Donc vous avez des activités d'éveil, donc notamment l'apprendre à manger seul, à explorer la maison. Les activités de vie pratique, apprendre à faire la vaisselle, etc. Une activité que je trouve très intéressante vu qu'il y a beaucoup de gens qui font pas vraiment attention à ça, qui laissent les écoles faire, mais il faut quand même le faire à la maison, apprendre à écrire et à lire. Donc là, vous avez des petits passages à découper pour votre enfant, etc. Découvrir le monde, enfin découvrir du monde, etc. Pour qu'ils ne prennent pas peur quand ils voient des gens qu'ils ne connaissent pas. C'est souvent fréquent chez les enfants, quoique ma sœur, elle arrête pas de « Bonjour toi, bonjour !» Non, mais ça, c'est vraiment très très bien pour apprendre aux enfants à se sociabiliser. Donc le guide Montessori pour les enfants. Ensuite là, il est au prix de 22,90€. Encore merci à Nathan. Et donc là, on va vous parler de pop. Il y a Tiffany, The Bride of Chucky. Donc c'est l'avant-dernier de Chucky. Cult of Chucky, je j'ai pas trop aimé. Monsieur, il est beaucoup mieux. Il est plus axé humour aussi, mais humour gore est très très marrant. Donc là, on va vous parler de Tiffany. C'est qui Tiffany? Bride of Chucky, donc l'épouse de Chucky. Une très très belle pop. Il y a là aussi la version Chase. Donc je vais vous décrire la version normale, puis la Chase. On voit son petit maquillage à Tiffany, son petit grain de beauté. Ses sourcils qui lui donnent un air assez énervé ou macho, parce qu'elle est quand même assez macho, Tiffany. Sa coiffure blonde dégradée, sa petite robe, on va dire, de mariée, sa veste, sa jacket noire, son tatouage, ses ongles en noir. La pochette de derrière, c'est tout simplement, on la voit en vraie poupée. Une très très belle pochette, donc c'est le pop 468

perfect a beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners in them polos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E. Like that? Right back up in you. 9-5 plus 4 pennies. Add that shit up. D.R.E. Right back up on top of things. Smoke some with your dog. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky, icky. Ooh-wee. Put it in the air, air, air. Boy, you's a fool, D.R. Alors on s'écoutait un petit Dr. Dre avec Style, Dre avec Snoop Dogg, et aussi en fond vous pouvez entendre Eminem, et aussi notamment c'est Dr. Dre qui a découvert Eminem et qui l'a fait venir sur le devant de la scène si vous ne le saviez pas. Donc là on va vous parler de films, je tenais d'abord à remercier Wildside, c'est 47 Meters Down. Donc après Instinct de survie, on peut dire que c'est le nouveau. Car j'ai vu des noms comme quoi il appelait Instinct de survie aussi, donc c'est par le même réalisateur, etc. Synopsis, ça. Après la rupture de Lisa, sa sœur Kate décide de l'emmener en vacances au Mexique pour lui changer les idées. Avide d'aventure, elle décide de se mettre au défi de plonger avec des grands requins blancs. Protégée par une cage, une fois dans l'eau, le spectacle est incroyable. Mais tout à coup, la corde qui retient la cage du bateau cède. Et les deux sœurs se retrouvent plongées à 47 mètres de profondeur. Il ne leur reste plus qu'une heure d'oxygène. Les grands blancs rôdent. Un très très bon film. Une tension permanente dans celui-ci. Je l'ai vraiment adoré. On a une tension. On apprend aussi à aimer les personnages. Et certains, on se dit... Ah bah non, ça va. Mais en fait, ils se partagent les rôles. Donc, je vous explique. Donc, il y en a par exemple une qui râle, une qui a peur. En plus, ils s'échangent les rôles à un moment donné. Il y en a une qui a peur, une qui râle. L'autre, elle, ça va, elle a pas peur, machin. Ça, ils s'échangent les rôles. Ils s'interchangent, si je puis dire. Donc, une réalisation de Johannes Roberts. Un scénario de Johannes Roberts aussi, de Ernest Harry. Il y a une production de James Harris et Mark Lane. Avec Mandy Moore, Claire Holt, Chris G. Johnson, Yanis Gillan, Santiago Senega et Matthew Modine. Une musique de Tom Dendy, une bonne musique aussi. Une photographie, alors là, très très belle, sur les plans de la plage, vraiment magnifique aussi quand ils sont sur le bateau. De Mark Silk, un montage de Martin Brinkler, les décors sont de David Bryan, les costumes de Eleanor Baker, les effets visuels de Mark Gregoy et Shin Madsen. La sortie vidéo est du 8 novembre 2017, donc il est déjà disponible, une durée de 1h28, ça passe super vite, c'est comme Instinct de survie, j'ai adoré, une tension permanente, des requins super bien foutus, et aussi on a vu le bonus, parfois on a envie de regarder le bonus quand ça nous plaît, et ça se voit que les parties ont été tournées dans les bassins, mais ça fait tellement réaliste qu'on ne s'en rend même pas compte. Et donc encore merci à Wildside pour ce petit bijou 47 Meters Down. On va faire une petite pause musicale avec un groupe qu'on a eu l'occasion de voir au Man Square. C'est tout simplement Die Antwoord, notamment les deux, le chanteur et la chanteuse, qu'ils ont joué aussi dans un excellent film, tout simplement. Donc là, on va s'écouter I Think You're Freaky. Jesus, like these rapping, like I did the drum, these bad boys, like this man. misfits. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. www.facebook.com/RQC95. Donc c'était Die Entrance avec I Think You're Freaky. Donc j'avais un petit trou de mémoire, donc ils ont joué dans Chappie, donc dans les rôles principaux. N'empêche, un très très bon jeu d'acteur. Là nous allons passer à la programmation du Forever, encore merci à eux. Donc dans les films de la semaine, il y a tout simplement un excellent film qui a l'air vraiment excellent. C'est A Beautiful Day. Je répète A Beautiful Day parce que celui-là a l'air de vraiment déménager. Beaucoup de gens le classifient comme un taxi driver du 21e siècle, donc c'est pour vous dire. Avec Joaquin Phoenix, un film de Lyne Ramsey, donc le synopsis, ce film est interdit aux moins de 12 ans, je tenais à le dire. La fille d'un sénateur disparaît. Joe, un vétéran brutal et torturé, se lance à sa recherche. Confronté à un déferlement de vengeance et de corruption, il est entraîné malgré lui dans une spirale de violence. Donc avec Joaquin Phoenix, a l'air d'être un magnifique film. Ensuite, il y a Very Bad Dads 2, Daddy's Home 2. Je l'attends vraiment celui-là avec Mel Gibson et bien d'autres. Dusty et Brad unissent leurs forces pour donner le meilleur Noël possible aux enfants. Mais un jour, leur propre père débarque, un gros macho et un hyper émotif, et les vacances se transforment en un véritable chaos. Donc un film d'une durée d'1h40, une comédie familiale. Si vous voulez vous amuser, en plus la scène de la boule de neige avec la crèche vivante a l'air d'être vraiment excellente. Déjà le 1 était très bien poussé dans le délire, donc celui-là, alors là je vous dis pas. Alors là, événement en avant-première à partir du 25 novembre, du samedi 25 novembre, avant le film Coco, vous aurez la chance de découvrir un court-métrage exclusif, les aventures givrées d'Olaf. Et ensuite vous aurez le film Coco, donc un Disney Pixar sur le thème de la muerte, sur la musique, etc. qui a l'air d'être vraiment magnifique. Le vendredi 24 novembre, vous avez le Black Friday. Toutes les séances sont à 6 euros. Ensuite, le jeudi 14 décembre, à partir de 20h, vous avez... Alors là, il y en a un qui est tout excité derrière la table de mixage. C'est Titanic de James Cameron pour les 20 ans du film à un tarif unique de 6 euros. Ensuite, vous aurez pour le 13 décembre, tout simplement, Star Wars The Last Jedi. Et après, vous avez tous les lundis à 6 euros. Donc, dans la programmation normale, il y a A Beautiful Day, Very Bad Dads de Justice League, Le Bonhomme de Neige, Daddy Cool, The Foreigner, Geostorm, Jigsaw, L'École Buissonnière, Thor 3, Ragnarok, Happy Birthday, My Little Pony, le film, Épouse-moi mon pote, Les Nouvelles Aventures de Cendrillon et Le Monde Secret des Emojis. Là, on sort une petite pause musicale avec In the House, In the Earth Beat. In the Earth Beat, pardon. C'était un petit In the House avec In the Earth Beat. Vous aurez reconnu peut-être pour les plus connaisseurs ou même les plus cinéphiles, quoique vous avez pas besoin d'être hyper connaisseur pour reconnaître, c'est la BO de 28 jours plus tard. Là, c'est tout le monde en parle qu'il y aura peut-être un nouveau, mais c'est un bruit qui court depuis des années. On voit la Tour Eiffel et tout sur la pochette, mais j'y crois pas trop parce que c'est un bruit qui court depuis des années de cela. En plus, musique de film d'horreur de Danny Boyle. Allez, on va peut-être un peu parler d'horreur. On va parler d'une creepypasta. Cette fois-ci, elle est tirée d'une vidéo et elle a été retranscrite en écrit. Le puzzle. Samedi matin, Lucie reçoit un colis par la poste, mais il n'y a pas de nom d'expéditeur. Dessus, il est intrigué, elle ouvre. Elle découvre une boîte de puzzle de 500 pièces. Elle réfléchit quelques instants à la personne qui aurait pu lui envoyer ce cadeau. Et on conclut que c'est sûrement sa tante, passionnée de puzzle, qui avait dû oublier d'écrire son adresse. Elle pose la boîte sur la table de la cuisine et n'y touche pas et n'y regarde pas presque de la journée. Le soir, elle rentre chez elle, mange et décide de commencer le fameux puzzle. Elle s'installe dans son salon et se met au travail. Après quelques minutes, elle réussit à reconstituer le cadre. Une demi-heure plus tard, le puzzle est déjà bien entamé. Au bout de trois quarts d'heure, elle commence à comprendre ce qui est représenté et s'arrête net. Le puzzle représente son salon et elle-même, comme un miroir intrigué, elle continue le puzzle qui représente bel et bien Lucie. Son visage prend forme ainsi que ses mains, puis le meuble derrière elle et enfin la fenêtre. Et puis il ne reste plus qu'une pièce à mettre. Et donc elle la met et elle découvre le visage effrayant d'un homme masqué qui l'observe. Et après, selon les dires, elle a été découverte morte dans son salon. Elle gisait dans une mare de sang. Donc voilà, c'était l'histoire du puzzle. Une très très bonne creepypasta pour ma part que j'ai vraiment bien aimé. Ça a passé dans une émission québécoise que je regardais sur YouTube il y a quelques années de cela. Et cette histoire, elle m'est toujours restée car j'avais vraiment bien aimé. Ensuite là, c'était In The House, bio de film. Bah là, on va continuer avec un super beau film et une super belle musique et un super beau compositeur, je tenais à vous le dire. Donc c'est le Mind Theme de Interstellar de Hans Zimmer, le fameux Hans Zimmer. Thank you. C'était le Mind Theme de Interstellar par Hans Zimmer, un très très bon compositeur de films. On peut noter la musique de Batman, aussi Pirates des Caraïbes et bien d'autres. Donc là, on va vous parler high-tech et d'un produit qui me passionne tout simplement. Là, on va parler du plus gros du matériel que j'ai déjà parlé. C'est tout simplement une caméra, un appareil photo. C'est le Panasonic Lumix FZ72, un très très bon appareil qui a une résolution vidéo de 1080p, une très très bonne, donc c'est un très très bon HD. Et aussi, vous pouvez filmer en 720p si vous voulez, pour avoir plus de FPS, plus de mouvement dans l'image. Vous avez une résolution de capteur de 16,8 mégapixels. Et là, c'est un truc qui m'a très étonné sur cet appareil, c'est le zoom optique. x60, le truc que j'avais essayé, il zoome au moins à 1 km, même plus. La dernière fois, j'étais loin et j'ai su zoomer sur le clocher d'un village. Donc, il a un très très bon zoom aussi, parce que là, je n'ai pas pris en plus, mais il y a une extension zoom qui peut aller beaucoup plus loin que ça. Il a un écran de 3 pouces 3D. Par contre, celui-ci n'est pas tactile. Il a une stabilisation de l'image. Si vous bougez, mais c'est mieux de filmer avec une Steadicam. C'est plus naturel dans les mouvements. En fonction, vous avez une prise de vue en rafale, une priorité à la vitesse d'obturation et une priorité à l'ouverture. Une distance de focale de 20 mm à 1200 mm. Une ouverture du diaphragme de 2,8 mm. Vous avez un viseur électronique, des connexions HDMI, une entrée mémoire, un zoom numérique de x5, un modèle, donc le modèle c'est le DMC FZ72. Donc c'est un prix à environ, ça dépend vraiment des prix. Il y en a 259 €, c'est un très très bon prix pour cet appareil. Donc il est de couleur noire, très très bonne résolution de 4608 mégapixels. Il pèse 0,56 kg, donc c'est très très bas pour son prix. Il a une vitesse maximale de 8 secondes. Donc c'est très très bien pour cet appareil. Surtout, je m'en sers pour la vidéo, pour filmer. Et aussi, il a une très très bonne capacité photo. Et dans, si je puis dire, parce que là, sinon on va recevoir des foudres. On a un petit correcteur photo à l'intérieur pour mettre un ton clair, les tons moins clairs, etc. pour donner un petit punch à votre photo. Donc c'était un cadeau d'anniversaire que j'avais eu, donc encore merci à mamie pour ceci. Donc là, on va faire une petite pause musical. Vous devez connaître, donc là c'est Johnny Cash avec Hurt, mais la version qui a été faite pour le film Logan, un très très bon film. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. beneath the stains of time. The feelings disappear. You are someone else. I am still right here. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. Donc c'était Johnny Cash avec Hurt en version Logan. Là on va vous parler d'un film qu'on était voir au Forever Moucron, Jigsaw. Alors un excellent film qui est sorti le 1er novembre 2017 de Michael Spielberg et Peter Spielberg. Donc ce sont des frères. Spielberg, pardon. Avec Matt Passmore, Tobin Bell, Callum Kate Rennie et bien d'autres. Donc en genre c'est un horror gore thriller, donc américain-canadien. Le synopsis, ce film est interdit au moins de 16 ans en salle. Après une série de meurtres qui ressemblent étrangement à ceux de Jigsaw, le tueur au puzzle, la police se lance à la poursuite d'un homme mort depuis plus de 10 ans. Un nouveau jeu vient de commencer. John Kramer est-il revenu d'entre les morts pour rappeler au monde qu'il faut sans cesse célébrer la vie, ou bien s'agit-il d'un piège tendu par un assassin qui poursuit d'autres ambitions ? Un film que j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé, des pièges assez des pièges créatifs, notamment le laser, si je puis citer, l'entonnoir, bien d'autres, un scénario cohérent, bien, mais par contre, on sent bien qu'il n'y a pas de James Wan à la réalisation, je dis bien la réalisation, parce que James Wan, c'est le créateur de Saw 1, avec un budget de $1,5 million, pour le premier, il était vraiment excellent. Celui-là, j'ai bien aimé, mais je trouve que pour Jigsaw, il faut pas en faire plus après. Là, ils ont bien entamé la saga de Jigsaw, et je trouve que ça va vraiment avec des pièges excellents. Comme je le disais, un très très bon retournement de situation qu'on a l'occasion de voir à la fin. Si vous avez pu voir le thriller, vous aurez peut-être dû voir la fameuse Billy, la poupée de Jigsaw qui est disponible en pop, une très très belle poupée. Et tiens, je vous racontais quelques anecdotes sur le premier. Si vous le saviez, donc le budget était de 1,6 million de dollars pour le premier, ce qui est très peu. Le décor a été monté en un jour et aussi le fameux Billy était fait en carton pâte à l'époque. Donc alors là, on va se clôturer cette émission. Et donc la semaine prochaine, je ne serai pas là, c'est tout simplement la frégade, mais je vous invite quand même à écouter les loulous. Donc là, je vais d'abord vous parler d'un pop, je vais vous parler du pop Funko Pop H. Donc cette fois-ci, ce n'est pas celui de la saga HVC Vedid, c'est tout simplement de l'Army of the Darkness, l'Armée des Morts. Donc un pop qui était réalisé encore un petit peu plus vieux, donc de Ashley Williams. Donc on le voit notamment là quand il était jeune, donc HVC Vedid c'est quand il est beaucoup plus vieux. Là on a sa petite fraîcheur quand il était assez jeune, on voit sa tronçonneuse à la main, son petit fusil, sa chemise déchirée, donc dans l'armée des morts de Army of the Darkness, le 53 Pop Movies. En plus avec dans cette collection vous avez les squelettes qui sont très très beaux, les squelettes de l'armée des morts. Mais on peut quand même toujours en trouver, mais ça va, le prix va quand même. Donc une très très belle pop, on a sa cicatrice sur la joue. On voit qu'il en a un petit peu, qu'est-ce qui se passe avec ses sourcils. Un très très beau pop, encore merci pour le cadeau à notre ami Pop Moucron. Donc alors là, on va se quitter les loulous, donc n'oubliez pas, la semaine prochaine je ne suis pas là, c'est la frégate. Mais vous pouvez quand même écouter, donc on va se quitter avec un petit Kavinsky avec Night Call. Thank you. You don't want to hear.